Ben Harper, la légende californienne, est de retour avec son nouvel album, Bloodline Maintenance. Disponible en CD, vinyle et digital. Salut l'équipe, c'est Max de Lisbonne. En fait, maintenant je vis à l'étranger et ça fait du bien d'écouter France Inter, les podcasts, je suis à la bourre, là je suis en train de tout rattraper, mais ça me refait mon été comme d'habitude. Du coup, ma copine est portugaise, j'essaye de lui faire découvrir Victor Hugo, on a rematé Predator ensemble. Enfin, tout est trop bien et c'est toujours la meilleure émission du monde. Merci à toute l'équipe, gros bisous. Oui, bonjour, je vous appelle, voilà, je suis détective privé sur Hawaï et j'aimerais changer de voiture. Donc je vois actuellement une Porsche de couleur bleue avec faible kilométrage. Donc si vous êtes intéressé, merci de contacter Frédéric Sigrist qui me transmettra vos coordonnées. Voilà, le seul inconvénient qu'il faudrait venir chercher la voiture, ben, sur Hawaï. Éventuellement, j'aimerais acheter une Ferrari à la place, il paraît que c'est mieux. Merci, au revoir. To be or not to be, not to be. Le week-end dernier, c'était la Comic-Con de San Diego 2022. Une convention qui avait initialement pour habitude de réunir des professionnels de la bande dessinée américaine et des fans, mais qui est devenue au fil des ans l'occasion pour les différents studios de cinéma hollywoodiens de présenter leur prochain plus gros blockbuster sur les 25 prochaines années. Dans un monde où on n'arrive pas à anticiper quelle pandémie va nous tomber dessus ou combien de degrés au-dessus de 42 il fera l'année prochaine, Kevin Feige, le producteur de Marvel Studios, lui, il est capable de dire que Wolverine et Ghost Rider intégreront les 4 Fantastiques dans un film qui sortira en 2041. J'avoue être quelque peu blasé devant ce qui ressemble à une présentation à la Steve Jobs où les films ont remplacé les téléphones. Et puis, je suis tombé sur la bande-annonce de Black Panther 2 et soudain, une émotion. Il ne vous aura pas échappé que Chadwick Boseman, l'acteur qui incarnait Black Panther, est décédé d'un cancer alors même qu'il devait tourner la suite. Comme d'habitude, la question s'est posée de savoir s'il fallait le remplacer, comment intégrer sa mort dans un univers où justement la mort n'existe souvent plus, images de synthèse, doublure numérique. Hollywood nous a habitués à jouer les nécromanciens avec des stars disparues. Pour le réalisateur Ryan Coogler et pour tout le casting, il était important de tout simplement accepter que Chadwick Boseman soit mort dans cet univers et les autres et qu'il fallait continuer sans lui. Pour une entreprise qui se targue de planifier tout des années à l'avance, l'équipe de Black Panther vient de nous rappeler qu'il y a malheureusement des choses que même les multinationales ne prévoient pas. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Hey, you. Played on the radio, the music I wrote in 97, it still gets a good old bashing on the radio, and that's the greatest compliment you can have. Elton John est un génie. Oui, c'est pas moi qui le dis, oui. C'est pas moi qui le dis, c'est Émilie Mazoyer. Oui. Non, c'est pas moi qui le dis, on le sait depuis qu'il est enfant, où à l'âge de seulement 11 ans, sa maîtrise du piano était telle qu'il a décroché le prix de la Royal Academy of Music. Des décennies plus tard, c'est un palmarès de tubes et une longévité sans nul autre pareil. Pour tenter d'appréhender la galaxie du flamboyant Elton John, j'ai avec moi une nouvelle fois et pour mon plus grand plaisir, Émilie Mazoyer, bonjour. Bonjour Fred. Vous êtes animatrice radio spécialisée musique et totalement fan d'Elton John. J'ai dû voir ça. Hein. Tout par cœur, hein. C'est incroyable. Et alors, des frissons. Aujourd'hui, vous êtes accompagnée par Sophie Rosemont. Bonjour. Bah, encore moi. Mais oui, oui, oui. Et puis alors, fan aussi, hein, ah, ça chante. On aime bien. Bah, on a beaucoup chanté là, avec Émilie oui, depuis quelques secondes déjà. Oui, d'ailleurs, très beau medley. Merci, Blockbuster. C'est magnifique. Merci, Céline, là surtout. Bravo. Vous êtes journaliste, Sophie Rosemont, journaliste culture et enseignante, autrice de Girls Rock aux éditions Nil et de Black Power, l'avènement de la pop culture noire américaine chez JM Éditions. Tout à fait, Fred. Avec nous, Antoine Patinet, pour la première fois. Et bonjour, bonjour. Ouais, c'est ma première radio, je suis hyper intimidé. Alors vraiment, c'est moi, hein, faut pas l'être. Hein. Vraiment, vraiment, vous allez voir au fur et à mesure de l'émission d'Iranien, en fait, il n'y avait pas de quoi d'être intimidé, okay. Vraiment. Vous êtes directeur de la rédaction de Tétu, le magazine et l'actu LGBTQI+. Affirmatif. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Laissez-nous vous présenter un petit gars qui gagne à être connu, Elton John. I think my music, our music, because it's Bernie and myself, it's a combination. I think it will last. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I get to this Lex line and I always burst. I secretly laugh inside. I don't have much money. Times have changed. But boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. It's just such an innocent, beautiful lyric. Sophie Rosemont, quand on parle d'un artiste, moi j'aime bien savoir quel type d'enfance il a eu, parce qu'en général, ça conditionne tout le reste. Et c'était quel type d'enfant, Elton John ? Ah bah c'était un enfant pas super heureux. Il a été élevé par des parents qui s'entendaient extrêmement mal. Le père a déserté le foyer assez tôt, après avoir pourri régulièrement son enfant pendant un sacré paquet de temps, trop long pour Elton. Et surtout, il a refait sa vie, le papa. Il a refait sa vie, il s'est remarié, il a eu des enfants avec qui il était extrêmement gentil. Donc déjà, ça a quand même beaucoup traumatisé. Mais bien sûr qu'on a envie de pleurer. Donc le petit Réginald, parce qu'il s'appelle Réginald. En plus Elton John, voilà. Voilà, le petit Réginald souffre. En plus, il n'est pas aussi, on va dire, sylphide que ses petits camarades, donc se moque un petit peu de lui, de son embonpoint, c'est pas facile. Il est mal sapé, il paraît. Oui. Alors, il est habillé comme le veut sa mère. Alors, sa mère aime son fils, mais elle est quand même très dure, elle est très stricte, enfin bref. Et puis, elle accepte Réginald quand même comme prénom. Oui. Mais moi, Réginald, je trouve ça assez chic que je voulais appeler mon chien Réginald. Ben voilà, pour un animal. Oui, pour un animal. Bon, finalement, je l'appelais Ringo, je trouvais ça plus fun. Oui. C'est marrant parce que t'es très dur avec son père, mais il met très lourd à sa mère aussi. Hein. J'ai lu la biographie du coup avant de venir ici, parce que je ne l'avais pas fait. Et sa mère avait l'air d'être une femme absolument horrible. Enfin, moi, sa mère l'a pas abandonné pour faire une autre famille ailleurs. Tout à fait. Mais sa mère était vraiment pas piquée. Elle avait l'air particulièrement colérique et son oncle, Elton John, disait même qu'elle aurait pu créer une embrouille, dans une pièce vide. Enfin, et c'était vraiment quelqu'un qui avait l'air très compliqué, quoi. Ouais, mais elle aimait fort son fils. Elle a toujours été là pour lui, même parfois un peu trop. Mais disons que dans tous les cas, on est ok pour dire qu'il n'y a pas eu un contexte familial. Heureusement, vous êtes d'accord pour dire contexte familial pas très favorable. Famille, voilà. Dirons-nous, une pas très favorable. Sa grand-mère, cela dit, dans le tableau, était plutôt quelqu'un de bien. Je crois qu'elle vivait avec eux. Elle avait l'air chouette. Ouais, elle encourageait beaucoup à faire du piano. Ouais. Alors, on a dit que c'était un enfant complexé, avec beaucoup de daddy issues, hein, comme on dit, mais vraisemblablement des mommy issues aussi. Néanmoins, sa rencontre avec la musique. Émilie Mazoyer, comment ça s'est passé ? Ah bah alors déjà, c'est à la maison la musique, hein, pour Elton John. Je crois que c'était plutôt du jazz. Ouais, du jazz, du gospel. Ouais. Et puis la rencontre, on va dire, qui va changer sa vie. Je ne sais pas si on y plonge tout de suite. Il y a eu la rencontre avec Bernie Taupin. Ouais. On arrive, c'est un peu plus loin. C'est un peu mais plus loin. Mais il y a le piano quand même. On a affaire ah bah oui, à un génie du pianiste. Piano quand même. Oui. Il adore, oui, Jerry Lee Lewis, tout ce genre de mecs, ces rockers, pianistes à fond. Oui, effectivement. Et effectivement, comme l'a dit Émilie, c'était vraiment à la maison. C'est-à-dire que très vite, il a son piano à la maison. Ça, justement, sa mère lui a accordé, soutenue par la grand-mère, effectivement. Et donc, il joue chez lui, mais divinement bien. Il est extrêmement encouragé là-dessus. On peut pas dire qu'on l'a pas encouragé musicalement. Ça, c'est le Est-ce qu'on peut parler d'une forme de précocité chez lui, parce que à 11 ans, après, ah bah, lui-même a témoigné. Très close. Et... de toute façon, il fait partie des gamins qui très tôt ont une oreille, ont une écoute, ont le rythme, ont le sens de la mélodie. Il a une culture d'abord classique. On apprend d'abord les classiques, donc Bach, Chopin, etc. Et ensuite, il a vraiment découvert, effectivement, chez lui, il écoutait pas mal de gospel, de jazz. Son père aimait le jazz, mais lui, il découvre le rock and roll. Et là, c'est une révélation. Et d'ailleurs, quand il parle de lui, il parle de lui comme d'un pianiste. Alors qu'on pourrait dire que c'est un des plus grands chanteurs quand même de tous les temps. Non, pour lui, il est d'abord et avant tout pianiste. Je pense qu'il y a ce côté aussi, quand on vient du classique, le truc très légitime. C'est-à-dire, j'ai appris un instrument, j'ai appris mon art, et voilà, le piano, ça fait sérieux. Oui, c'est l'instrument noble par excellence. Oui, c'est ça, c'est noble, et puis c'est presque scientifique. Là où les chanteurs, c'est un peu... C'est un peu léger. Un petit peu la folie, quoi. Oui, oui, oui. Hein, et il y a cette rencontre, parce que là, évidemment, on parle d'un enfant doué musicalement, mais il y a plein d'enfants doués musicalement qui ne font pas des premiers albums, et surtout un premier album comme lui l'a fait. Et comment se passe justement cette rencontre avec la maison de disques, et surtout avec Bernie Taupin? Bah, Bernie, il me semble, et je parle sous le contrôle de mes deux amis invités ici, qui se sont rencontrés comme dans un mauvais roman photo par petites annonces. Oui, interposées. Incroyable, petites annonces interposées, puisqu'en fait, Elton cherchait quelqu'un pour écrire des paroles, et Bernie qui écrivait des paroles, mais qui, pareil, savait pas tellement où s'adresser, et qui était aussi uncool que Elton. Il faut bien se dire, c'est quand même la rencontre de deux grosses solitudes et de deux adolescences où il s'était vraiment rien passé. Lui cherchait un musicien. Soyez pas dans le jugement. Je suis pas dans le jugement. Non, mais je sens que vous avez une adolescence terriblement heureuse. Pas du tout. Moi-même, pendant l'adolescence, j'ai pu lire. C'est pas évident pour tout le monde. J'ai pu lire Le Seigneur des Anneaux plusieurs fois, Fred. Oui, c'est vous dire. C'est vrai. J'ai eu du temps. Beaucoup de temps, l'adolescence. Non, au contraire, j'ai beaucoup d'empathie. Ok, vous avez fait partie du club. Oui. Sans aucun problème. Donc oui, petites annonces interposées et une rencontre et une bromance. Il me semble ininterrompu. Alors après, je suis pas dans le secret. Je sais pas s'il y a des moments. Il y a eu des moments où ça s'est arrêté, effectivement. Ils se sont moins aimés. Il y a eu 5 années après Don't Go Breaking My Heart. Ouais. Où il a plus bossé avec Bernie. Mais ce qui est génial dans cette histoire, c'est que tous les deux, c'est des bébés. Bernie était pas majeur. Voilà, lui, il a été élevé par une mère fan de littérature et de poésie française, donc il a vraiment le sens du mot, et voilà, c'est vraiment le même pas le post-ado, il est encore adolescent, et Elton est encore très jeune, mais Elton a joué dans un groupe, comme il faut le dire, avant Bluesology, donc il a quand même tapé un peu de la scène, quoi, hein, et même plus que ça, il a compris aussi son ambition. Mais c'est vrai que ces petites annonces interposées, voilà, les deux qui passent pas des castings, mais voilà, qui répondent à ces annonces, qui se présentent, et l'un sans l'autre, ça peut pas marcher. En fait, c'est surtout qu'on a donné une enveloppe à Elton avec des textes de Bernie. Et Elton les a ouvert dans le métro, il s'est dit waouh. Qui était vraiment très spécifique pour que ça fonctionne. Ouais. Ah oui, beaucoup de chance. Parfois, on pose la question comme ça, on dit c'est quoi la formule magique? Parfois, c'est aussi bête que ça. Ça nous tombe dessus. Après, faut avoir l'intelligence. Et en plus, quand on voit la personnalité d'Elton John, on en parlera plus tard, mais qui est un type qui sait être particulièrement odieux, égoïste, tout ce que vous voulez. D'avoir cette intelligence-là de dire, OK, la formule magique ne tient pas que sur moi. Ça passe aussi par mon auteur. Et je vais cultiver ça, garder ça toute ma vie. Voilà, c'est ça aussi la formule magique. Parfois, c'est de réussir à faire durer les couples. Antoine Patinet, vous avez découvert Elton John, le Elton John des années 70, ou plutôt celui un peu plus tard? Non, j'aurais aimé être dans les années 70. Malheureusement, c'est pas le cas. Je suis né, j'ai 32 ans. Il va être vexant. Bah voilà. Non, mais pas du tout. Ah, mais depuis quand on fait les jeunes? J'ai 32 ans. Mais attention, donc... je tiens à préciser que des jeunes peuvent aussi écouter des albums. Tout à fait, et heureusement. Exactement. Mais j'ai découvert moi plutôt, je pense, avec Le Roi Lion en fait, Elton John. Après, quand il a été anobli par la reine, ou du coup, je pense que c'était aussi la première fois que j'entendais parler de sida et de VIH à la télé. Et puis après, si vous voulez, je pense que je me suis pas tout de suite intéressé à Elton John parce que j'étais un enfant. Mais après, il y a eu la reprise avec Blue de... est-ce que vous l'avez ? Je sais plus, le boys band Blue, ils avaient fait une reprise d'une chanson d'Elton John, bref, qui passait tout le temps à la radio. Donc je pense que ça, c'était mes premiers, mes premiers contacts avec Elton John, que j'ai découvert après, en fait, plutôt à 20 ans, où j'ai commencé à réécouter ses disques, notamment quand j'ai commencé en journalisme et que j'ai fait un stage chez Tétu et que du coup, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la culture gay et tout. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est la reine mère de la culture gay. Il a vraiment, en plus, emporté avec lui tout un tas de jeunes tout au long de sa carrière. carrière. Il a fait des feats avec les Sister Sisters. Il a vraiment participé, je pense, à créer de la visibilité autour d'artistes LGBT, quoi. J'avais le choix des tubes en préparant cette émission, mais je ne vais pas vous mentir, dans les grands titres qui ont fait la carrière d'Elton John, Rocketman, ça se pose là. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Rocketman d'Elton John. Reginald Dwight? Yes. Oui. How do you do? Bonjour. Comment vas-tu? Good. Thank you. Yeah. Merci. Did you not bring something to play? Tu n'as pas apporté de partition? Didn't know I had to. Je... Il en fallait une. I see. Well, je vois, eh bien. So, bon, tu veux bien me jouer quelque chose que je puisse évaluer un peu ton niveau? Why have you stopped? Pourquoi tu t'es arrêté? That's as far as you go. Vous n'êtes pas allé plus loin? You might have a good memory and a good ear. Tu as peut-être une bonne mémoire et une bonne oreille, mais tu dois encore beaucoup travailler. Blockbuster. Frédéric Sigrist. Sur France Inter. Ah, je sais que tous les puristes d'Elton John sont en train de dire « Mais pourquoi vous parlez sur Tiny Dancer ?» C'est pas moi, c'est Marie-Pierre Planchon. On a entendu un extrait de Rocketman de Dexter Fletcher sorti en 2019 et vous avez entendu un extrait de Tiny Dancer tiré de l'album Madman Across the Water sorti en 1971, et Émilie Mazoyer, vous étiez dans tous vos états. Tiny Dancer, j'ai l'impression que c'est un peu votre chanson préférée. Oui, alors c'est ma chanson préférée d'Elton, Elton et Bernie, et c'est un très bon exemple de leur complicité à tous les deux, puisque c'est une chanson d'amour. Qui est... J'adore qu'on vous dise ça. Une chanson d'amour. Ça parle pas de moi, mais ça me fait le même effet. Non, en fait, c'est adressé à la femme de Bernie. Parce que tout le monde n'est pas gay dans l'histoire, hein. Elton est gay mais pas Bernie, et donc Bernie est très amoureux de sa femme, et donc Elton chante ça, cette chanson d'amour, mais vraiment comme si c'était pour quelqu'un que lui aimait. Enfin, je trouve que dans cette chanson là on sent bien qu'en fait quand il s'agit de création, c'est un hydre à deux têtes, quoi, mais ils sont ensemble, quoi. Et voilà, c'est une très belle chanson, très romantique, et qui fait partie de la bande originale, hein, puisqu'on est ici chez Blockbusters, d'un excellent film qui s'appelle Presque Célèbre, de Cameron Crowe, et c'est une des plus jolies scènes du film, c'est avec cette chanson. Ce qui est marrant sur la relation entre les deux, c'est qu'ils étaient... Antoine Patinet. Pardon, Non, je vous représente, je vous resitue pour l'auditeur. Ce qui est marrant sur la relation entre les deux, c'est qu'ils étaient très amis, ils ont été colocataires, enfin vraiment, ils ont passé énormément de temps ensemble, et du coup, Bernie s'inspirait beaucoup de la vie d'Elton pour écrire, et Elton en même temps se projetait complètement dans les chansons qui parlaient de la vie de Bernie plutôt, et ça, en fait, c'était sincère, quoi, et en général, c'est quand même la recette pour une bonne chanson, qu'il y ait une sorte de sincérité, un truc qui vient des tripes, quoi. Et ce que dit Antoine Patinet est vrai, et vous le disiez aussi Sophie Rosemont, c'est sur la sincérité même dans les textes et presque une forme de naïveté dans les chansons qui touche en plein cœur. Bah, c'est vraiment là où il y a l'universalité de ce duo assez incroyable créé par Elton John et Bernie Taupin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'autres duos comme ça dans la pop musique au sens large. Hein. Bon, évidemment, il y a Lennon-McCartney. Oui, mais aucun des deux n'était dans l'ombre. Aucun des deux n'était dans l'ombre. Les deux faisaient les... Justement, et c'est ça la force de ce duo-là, c'est qu'il y en a un qui est uniquement dans les textes, l'autre uniquement dans la musique, donc il n'y a pas de rivalité. Et en plus, lorsque, voilà, comme tu disais, Émilie, lorsque Bernie parle de sa femme dans Tiny Dancer ou de sa relation amoureuse qui a foiré dans Sacrifice, qui est une chanson assez mésestimée d'ailleurs, je trouve, d'Elton John, bah, Elton John se l'approprie. Et réussit à transmettre l'émotion de Bernie à travers son propre prisme. Et ensuite, oui, les paroles sont toujours assez simples, mais une fois encore, hein, élevé dans une certaine littérature, fan de nouveaux romans. Donc oui, il y a toujours une simplicité du verbe qui colle très bien avec parfois la flamboyance, l'incandescence des mélodies et des rythmiques d'Elton John, parce qu'on parle toujours de son talent de mélodiste, mais c'est quand même quelqu'un qui a le groove. Hein. D'ailleurs, il avait le groove même quand il jouait du classique au piano. Ce swing assez fort. Et les deux font... voilà, des chansons aussi démentes que I'm Not Your Song ou celle-ci qu'on est en train d'écouter. Oui, c'est ça, Sacrifice. Sacrifice. Ouais, ça, c'est grosse chanson de rupture horrible. Hein. Voilà, et qui à l'époque, on était là, oh, voilà, c'est très daté, années 90, mais cette chanson, on l'écoute, mais elle a tombé. Ouais. Elle a tombé, tout est beau, quoi, les textes. Après, oui, les arrangements, on sait de quand ils datent. Mais une belle chanson reste une belle chanson, et Elton John en a fait des magnifiques, et pareil pour The Lion King. Moi, je trouve ça formidable qu'on ait découvert, qu'on ait pu, voilà, quand Antoine disait tout à l'heure, j'ai découvert Elton John avec Le Roi Lion. Tous les puristes disent, ah, Le Roi Lion, c'est nié. Mais non, mais Can You Feel the Love Tonight, je trouve ça magnifique. C'est une super chanson. Et ouais. Puis c'est un très bon test, hein. En plus, alors c'est Disney là en l'occurrence, donc c'est carrément le plus gros, mais c'est réussi. Simba. Et Nala, c'est pas oh. C'est la vraie vie. Alors oui, bien sûr, donc là-bas en Afrique, oui. Le petit lion, et bah, il parle anglais. Il a été ému par la chanson d'Elton. Oui. Et les enfants, c'est un super bon test. Qu'il y ait des mômes qui chantent « Can you feel the love tonight ?» aussi, ça prouve que Elton et Bernie, ils parlent à tout le monde. Les gosses, c'est un très bon test en vrai. Quand ils commencent à rechanter une chanson très fort, bah, on ça, est bon. C'est ça une superstar, ouais. Quoi, ouais. C'est être intergénérationnel. Mm-mm. Et alors, là on parle un petit peu de l'évolution d'Elton John, mais quel a été le premier album qui a cartonné? Le second. Mais Sophie, justement, c'est un petit peu pour ça que je vous ai fait venir, pour que vous en parliez. C'est pas un quiz en fait. Pas le second, j'ai juste... Enfin, si vous pouvez m'en parler, parce que moi je connais très mal la carrière d'Elton John. Non mais en fait il y a eu deux premiers virages dans la carrière d'Elton. Il y a eu Your Song, qui est la première alliance absolument providentielle entre Bernie et lui. Et puis il y a ce show au Troubadour, voilà, où il chante Crocodile Rock, où il devient une star aux États-Unis. Quand on a un artiste anglais et qu'on perce aux États-Unis, qu'il se passe quelque chose, là il y a un avant et un après, c'est ce qui s'est passé pour Elton John. Donc là on est en 72. Donc il y a eu ces années très particulières, on va dire entre 1969 et 1972, qui ont été cruciales dans la carrière d'Elton John, au-delà même des albums, parce qu'après il y a eu des albums tellement mythiques comme Goodbye Yellow Brick Road, Magnum, et puis effectivement quand tout ce qu'elle a enregistré à Hérouville. Donc là on passe du côté français. Mais c'est vrai que les années 70 ont été une succession de tubes non-stop et une montée en puissance comme il y a rarement eu quand même dans la pop. C'est quand même un énorme vendeur de disques. Je crois que c'est l'album solo, l'artiste solo qui a vendu le plus d'albums, ou le deuxième. Non, le premier. Le premier. Le premier aux États-Unis, il a même doublé en termes de singles. Aux États-Unis, Elvis, en étant anglais, en plus étant qu'Elvis, anglais. Plus que Michael, ouais. En étant anglais, incroyable. En étant pas a priori sexy, en étant quand même. Non, mais voilà, en étant. Chacun ses roues, Sophie, mais effectivement. En étant pas. Non, mais voilà, en étant pas cette espèce de d'icône sexuelle hyper forte qu'était Elvis, par exemple, ou des génies en groupe collectif comme les Beatles. Elton a réussi tout seul avec Bernie dans l'ombre, mais a réussi tout seul avec son look improbable, de qui plus est. Mais c'est marrant parce qu'on n'arrête pas de dire que Bernie, il est dans l'ombre. Bernie Taupin, je ne sais même pas comment on prononce. Alors Taupin, mais bon, Taupin. En France, on peut dire Taupin. C'est très rare, en fait, qu'un chanteur solo, parce que Elton John, il n'y a que son nom à lui sur la pochette, ok? Et pourtant, dans toutes les interviews, dans tous les portraits, tout, il est là tout le temps, son parolier. C'est hyper rare. Par exemple, en France, je ne sais pas, Julien Clerc, c'est une star, mais on n'est pas tout le temps en train de parler des noms. Des gens qui écrivent les paroles de Julien Clerc. Julien Clerc, il écrit pas de paroles, il écrit que la musique. Là, sur Elton John, je trouve que c'est vraiment un cas super particulier quand même. Alors, est-ce que c'est parce que Bernie Taupin est un incroyable parolier, ou est-ce que c'est parce que Elton John n'est pas finalement si rockstar que ça et aime partager la gloire? Mais moi, je crois qu'il est pas tant rare. C'est on sait pas qui est assez généreux. Hein. Ouais, on sait pas qui écrit les chansons de Madonna, on sait pas qui écrit les chansons des uns et des autres. Mais Elton John, on sait que c'est tout le temps. Sur Madonna, ils sont 10 en fait. Donc... Ils sont 22. À un moment, c'est long à citer. Oui, mais il y a cette bromance dont tu parlais tout à l'heure, et je crois que justement, ça c'est très très fort. En fait, c'est comme un groupe. Ouais, exactement. Et puis en plus, ils ont commencé en fait avant que ça marche, ils ont fait pas mal de trucs qui n'ont pas marché. Ils ont beaucoup essayé de caler des chansons sur d'autres artistes et tout, et ça fonctionnait pas. Et puis un jour, je crois que la maison de disques leur a dit bon, arrêtez de faire des trucs qui peuvent marcher, d'essayer de faire que ça marche. Faites ce que vous voulez. Et puis c'est à partir de ce moment-là en fait que ça a fonctionné. Et notamment sur Your Song, apparemment, qui a été griffonné en 15 minutes par Bernie. C'est fou. Hein, 20 minutes, ouais. 20 minutes. Imagine, 20 minutes et tu fais Your Song, bon bah voilà, là on peut pas tester. On peut pas tester. Un des nombreux talents d'Elton John, c'est aussi d'avoir su s'entourer d'artistes plus jeunes qui lui ont permis d'être connu par un tout nouveau public. C'est le cas de Dua Lipa, avec qui il chante Cold Heart. It's a human sign when things go wrong, when the sound of her lingers. And temptation strong, cold, cold heart, heart done by you. Something's looking better, baby. Just pass it through, and I think it's gonna be a long, long time to touch. Some things look better, baby, just passing through. Heart, Elton John et Dua, ou Dua, Lipa, je ne sais pas comment on dit, dans Blockbuster sur France Inter. Hey there, 9755. Mom, c'est moi. Maman, c'est moi. I know who you are. Oui, t'as connu. Well, I've got something to tell you. Il faut que je te dise un truc. Reggie, we're gonna Reggie, tu vas nous faire louper ton passage à la télé. Arrête, tais-toi, tais-toi, maman. Not on telly yet, je ne suis pas à la télé, je te parle au téléphone. Me and John, we... Maman, John et moi... Well, the thing is... Il faut que je te dise. Je suis a homosexual. Homosexuel. A puffta. Une pédale. A fairy. Une grosse tapette. A queen. Une folle. Say something. Dis quelque chose. For God's sake, I know that. Mais enfin, Reggie, je le sais ce que tu es. Known for years. Depuis des années. You don't mind? Et ça ne dérange pas. Franchement, ça m'est égal. Mais j'aimerais autant que tu gardes ce genre de choses pour toi. J'espère seulement que tu réalises que tu choisis de vivre une vie de solitude. Et que personne ne t'aimera jamais vraiment. I'm Still Standing, tiré de l'album Too Low for Zero, formidable cœur, sorti en 1983 et que tous les plus jeunes doivent connaître parce que on le retrouve dans Tous en scène, évidemment. Moi, je sais qu'à la maison, c'est comme ça que tout le monde connaît Elton John parce qu'il y a Tous en scène. Donc effectivement, il a une longévité qui est absolument phénoménale. Alors, il y a le Elton John des années 70, celui des années 80, celui des années 90, et un chanteur qui change, il y a des gens, ils n'aiment pas. J'aime pas. Franchement, c'est une espèce de naïveté harmoniquement affreux, une mélodie vraiment plein des clichés, les paroles qui on a écouté mille fois. Je me demande pourquoi ça lui rend même, si populaire. Ça peut quand même être joli. Ou parce que c'est cliché, parce que c'est facile, c'est laid. Non, non, il y a des choses de cliché, d'un énorme beauté, d'un énorme nostalgie, oui, mais c'est pas ça. Est-ce qu'on peut dire qu'il a mal viré? Bah, je crois que sa voix a changé à partir de 75. Il chante plus comme avant. Il a mal tourné après, malheureusement. Enfin, là, il essaye. Il vient de sortir un disque avec Leon Russell et les critiques anglaises, une fois de plus, ont essayé de nous faire croire que c'était le grand retour d'Elton. J'ai écouté le disque, j'étais un petit peu déçu. Un mauvais moment à passer. Sophie Rosemont. C'est étonnant, un artiste dont la voix change parce qu'il vieillit. C'est rare, vraiment, je trouve que c'est vraiment le truc à la con, quoi. Pourquoi pas une femme qui ride? Non, mais, Leonard Cohen, à la fin, il a vraiment une voix vraiment très caverneuse. Bah oui, mais en fait, il avait 80 balais, tu vois. Donc, des autres, pas avoir la même voix. On se met pas encore du botox dans les cordes vocales, quoi. Que si, ça doit peut-être exister. Mais, Non, c'est fou. Oui, moi, évidemment. Enfin, après, que les gens n'aiment pas spécialement sa musique, que c'est, enfin, c'est pas, mais là, c'est quand même, c'est assez injuste, quand même. Et puis, je pense pas que les critiques anglais veulent nous faire croire quoi que ce soit. Ça fait bien longtemps qu'ils ont renoncé à faire croire ce qu'ils veulent aux Français. Donc moi, je trouve ça absolument injuste. Et alors, vous balancez pas, Fred, le nom des gens qui ont dit les horreurs? On les mettra sur le site. Vite, France Inter, avec leur adresse mail personnelle. On a un pouvoir d'influenceur terrible avec cette émission. Et après, on voit les gens qui courent dans la rue. Où il est? Et voilà, et vraiment, je me suis dit que j'avais une responsabilité par rapport à ça. Donc j'ai arrêté. Voilà, les chasses aux sorcières après Blockbuster, c'est terrible. Je ne peux pas lancer des cortes. Bon, et ceci dit, il a dit plein d'horreurs sur les gens Elton aussi. Oui, mais justement, parlons-en, parce que c'est vrai qu'on a vraiment parlé de cette manière qu'il a eu de se renouveler, de changer de style, parce que il y a le Elton des années 70, et puis ensuite, il y a eu le Elton des grandes ballades, qu'on a déjà entendu depuis le début de cette émission. Mais ce qui a toujours été, par contre, très singulier à Elton John, c'est son allure sur scène, ses tenues absolument incroyables, avec des couleurs, des déguisés en Donald Duck, etc. D'où c'est venu? De la cocaïne. Ah, voilà. Alors voilà, parce qu'il y a un moment, il faut quand même qu'on parle de drogue, Elton John. Il y a un moment, les lunettes en perles, oui. En forme d'étoile, et le moule-boule en paillettes roses, ça devient une bonne idée à partir de 4 grammes de cocaïne. À partir de 23h40. Voilà. Non, après, c'est sûr que quand on n'est pas très grand, pas très beau, et qu'on veut quand même se créer un personnage, de rockstar. Ouais, ou une aura, voilà. Effectivement, le côté sexuel de Elton John, déjà parce qu'il ne pouvait pas tellement mettre sa sexualité en avant, parce qu'on a entendu tout à l'heure là, l'extrait du film où il fait son coming out à sa maman, mais enfin, ça concerne quand même pas le tout début de sa carrière. Et initialement, en plus, il a annoncé au grand public qu'il était bisexuel. Oui, parce qu'il s'est même marié d'ailleurs. Oui, il s'est marié deux fois avec des femmes. Oui. Freddie Mercury aussi s'est marié, je vous rappelle. Oui. Donc voilà. Partant de là. Enfin non, finalement, ils ne sont pas mariés d'ailleurs, je crois. Il devait se marier avec elle et finalement il s'est pas marié. Freddy. On fera une spéciale. Il l'a demandé en mariage. Elle a dit oui. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, il peut pas jouer de sa sexualité. Il peut pas jouer d'un physique avantageux parce que il l'a pas. Alors oui, le succès rend beau, mais pas à ce point-là. Et donc, c'est ce qui s'appelle se faire tailler un beau costard. Mais même lui, il est assez réaliste là-dessus. Donc allons-y à fond dans l'excentricité. Et puis il a ce truc-là aussi, c'est qu'il est tout seul sur scène avec un piano. Donc à un moment, faut qu'on le voie. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et pour le coup, il a bien fait, quoi, parce qu'on retient. Moi, les lunettes d'Elton John, c'est un truc que je retiens depuis que je suis toute petite. C'était le mec des lunettes. Il y a lui et Paul Naref. Mais c'est marrant parce que cette flamboyance et cette volonté de se démarquer, en fait, elle est aussi liée, je pense, avec sa construction en tant qu'homme gay. Parce qu'on se rend compte qu'il a été très influencé d'abord par Tony King, qui était producteur de musique, qui était hyper, hyper flamboyant, dont il admirait les looks, il a commencé à s'habiller comme lui. Après, Liberace a aussi été une inspiration pour lui. Donc on sent qu'il avait... voilà, il y avait un truc d'acceptation de lui-même aussi à travers ses looks hyper flamboyants, les plumes et tout. Et je crois que ça l'a aidé aussi à s'accepter en tant que gay, quoi. Un look incroyable, quand même. Ouais. Par contre, aujourd'hui, dès qu'il y a des photos volées de lui, il est constamment en jogging. Ah oui, mais attends, t'as pas vu les joggings? Alors, je sais pas si c'était en 2019. Ah non, mais moi, je veux les joggings d'Elton John. C'est vrai? C'est-à-dire qu'il a débarqué. Oh, mais c'est le concert de 2019. Dans cette émission, faudrait vraiment les notes sur Internet. Ah non, mais Sophie Rosemont veut les joggings d'Elton John. Mais oui. Il est avec un jogging en satin vert ou rose. Ah oui. Sur le dos de la veste, était brodé, genre Elton John, quoi. Enfin, le truc génial. Enfin, de toute façon, moi, j'adore son look. Moi, de toute façon, quelqu'un qui met des joggings, justement, roses ou vert pétant comme ça, il avait un peignoir, mais vraiment digne d'une maison close du 19e, ouais. J'adore. Ah non, mais moi, c'est le genre de truc vraiment hyper décadent. Ouais, non, ces joggings sont quand même assez incroyables. Alors, je ferai suivre tous les mails d'hommes en jogging un peu folco qui viennent de se dire « Ah, mais je viens de trouver l'âme sœur, elle était à France Inter, elle a pas... » Vous allez avoir une boîte mail qui va exploser. Hein. Je connais certains quartiers, faut pas dire ça. Hein. Faut pas dire j'aime les joggings. Hein. Vous allez avoir des surprises, Sophie. Satiné et rose. Déjà là, ça. Et alors, il y a aussi cet aspect d'Elton John qu'on n'a pas encore abordé, c'est que vous l'avez évoqué, Emily, il peut être tyran aussi. Alors, en deux mots, Tati Daniel. C'est-à-dire que Elton John, il a ce truc. Alors pour le coup, qui est très anglais et qui moi me réjouit. il a pas peur du petit mot un peu perfide. À partir du moment où c'est drôle. C'est quelque chose qu'on voit de moins en moins, alors encore plus aujourd'hui, au 21e siècle, à l'heure des réseaux sociaux. Jamais vous allez entendre Beyoncé balancer une vacherie sur Rihanna, même si elle en pense pas moins. On est dans un truc où tout le monde s'aime, on est très poli, etc. Elton n'en a rien à faire de ça. Elton John, alors une de ses cibles préférées, pour vous donner un exemple, c'est Madonna, qu'il a comparée à une stripteaseuse de fête foraine. Voilà. Et pourtant, il s'adore. Hein. Oui, il s'adore, mais c'est ça. Bah, qui aime bien, châtie bien, il l'aime beaucoup. Et je me souviens aussi d'une interview où on avait demandé à Elton John, on lui avait dit « Ah, votre copine Madonna va faire le Super Bowl. Est-ce que vous avez une recommandation pour elle ?» Et il avait répondu « Oui, dites-lui de s'assurer que son playback est bien calé. » Voilà le genre de truc. Donc des petites perfidies comme ça, qui moi me réjouissent parce que c'est un artiste qui n'est pas, on va dire, aseptisé comme les autres. Mais encore une fois, il l'a dit tout à l'heure, c'est la reine-mère. De toute façon, il n'en a plus rien à faire, Elton. Il peut se disputer avec n'importe qui, de toute façon. Ah, mais même dans les années 70, par contre, il y allait... Mais bon, c'était la drogue qui l'aidait, mais il n'a jamais eu de filtre. Ouais. Ah ouais, il n'a jamais eu de filtre. Et son autobio est à mourir de rire. Hein. Il balance des trucs. Mais sur lui en premier, quand il dit que voilà, il y a eu un trou noir de 10 ans, il ne se souvient absolument de rien dans les années 80. Il dit c'est tout parti dans mon nez. Ouais. Je sais pas. Mais il n'est pas très tendre avec lui. Il n'est pas très tendre. Quand il fait des choses géniales, notamment tout son travail caritatif, voilà, concernant la lutte contre le sida, il se met pas du tout en avant, et c'est là où je trouve que là c'est le chic ultime. Et il donne plein d'argent. Beaucoup d'argent. Il donne pas juste, il fait partie des gens qui parlent. Il donne, et là, sans lui, je ne sais même pas si la thérapie serait arrivée au stade où elle est arrivée, au milieu des années 90. Franchement, quand on compte en millions ce qu'il a donné, au début des années 90, c'était quand même important pour tous ceux qui étaient concernés par la lutte contre le sida. Les gens mouraient encore très très vite, de façon absolument horrible. Il y avait cette ostracisation. Il n'y avait pas grand-chose qui arrivait. Il y avait quelques débuts de traitement, mais pas grand-chose. Et Elton John a vraiment apporté plus qu'une lumière dans le tunnel. Quoi. Il a apporté l'oasis dans le désert. Il a donné énormément, énormément d'argent. Il a été crucial. Et pour ça, on ne peut que lui en être reconnaissant. C'est marrant parce que c'est le Elton John un peu de deuxième génération, parce qu'il y a eu toutes les années, il y a eu une quinzaine d'années de drogue, de déboire, de beigne à son manager sur le tournage justement de I'm Still Standing. Et après, une fois qu'il a fait sa cure de désintox, c'est devenu complètement une autre personne qui a commencé justement à s'investir. Il trouvait qu'il faisait pas assez contre le sida alors que plein de gens faisaient plein de choses. Donc il a commencé. Parce qu'il a vu les gens mourir aussi. Oui, il a vu les gens mourir, mais en fait, il y a eu vraiment un déclic, je pense, à partir de ce moment-là où il a essayé d'un peu de racheter sa conduite. Enfin, c'est une interprétation très personnelle. Je suis pas sûr que ce soit accurate, mais en tout cas, il y a vraiment ce sentiment, je trouve, où il a commencé même à être très paternel avec justement toute la nouvelle scène queer et puis aussi avec les gens qui étaient confronté à des problèmes de drogue ou d'alcool. Il a aidé Eminem, il a aidé... Et en fait, c'est marrant, il s'est vraiment imposé comme une sorte de père ou de grand frère pour plein de gens. Il n'a pas réussi à aider George Michael. Oui. Oh là, si on parle de George Michael, je vais pleurer. Non. Ah, c'était tellement beau moment. Alors, je vais vous laisser le temps de reprendre votre souffle. On peut pas nous mettre cette chanson, là? Non. On va écouter une interview issue du Barbara Walters Show en 1994, où on demandait à Elton John de résumer, chaque décennie de sa vie en musique, et c'est flamboyant. If we go back over your life, if a song indeed represents a person or a stage of life, can we just pick some times and see what comes into your mind like? The 70s, the good years, the years of innocence. She packed my bags last night, pre-flight, 0 hour, 9 a.m. Prophetic words. I'm gonna be high as a kite by then. I wasn't when I wrote it, but I soon was afterwards. Early 80s, the beginning of the end, the beginning of the bad. Now what you're going to say, the 90s, right? Okay, 90s, yeah. The good years again. All I ever needed was the one, like freedom fields where wild horses run. When stars collide like you and I, no shadows block the sun. Alors, on vient de l'entendre, outre que c'est un faiseur de tubes incroyable, il y a aussi une magie qui opère lui seul avec un piano, comme ça, dans une conversation. Je pense qu'on les compte quand même sur le doigt d'une main, les artistes qui peuvent emmener aussi rapidement dans un univers tout son auditoire. La maîtrise, comme disait Émilie tout à l'heure, hein, c'est important aussi cet apprentissage. Donc il maîtrise parfaitement son instrument, il maîtrise parfaitement sa voix. Il est hyper juste tout le temps. Donc c'est le mec, à 5h du mat', on lui demande de chanter, il chantera, et nickel. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a pu chanter complètement défoncé pendant très longtemps. Ouais, non, c'est vrai. Une telle base, ça permet de faire n'importe quoi. Faites du solfège, les enfants. On maîtrise la cocaïne, c'est ça. Non, mais et il y a aussi ce qui est fou dans ce qu'on vient d'écouter. Enfin, cette archive, moi, je la trouve incroyable. C'est qu'on voit qu'en fait, il est ultra pertinent sur une durée tellement longue. Et même encore aujourd'hui, il a 75 ans et il a rempli. Il a rempli l'Hôtel Arena. Mais oui. Et s'il en refait une demain, il vend les places en 24 heures. Et il l'a rempli en plus en ayant reporté après le Covid. C'est ça. Et en vendant des billets, vieux Grigou, à 400 balles. Oui, bah, il faut aider les causes. Hein. Ah bah dis, bah, je sais pas combien de pensions alimentaires il paye à son. Il a un ex-mari, lui ? Non, il a son. Non, il est toujours avec David Furnish. Toujours David. Bah, même genre de pension alimentaire, aucune excuse. Non, mais 400 balles. Mais les enfants, et les enfants, et les enfants. Ça coûte cher, ça coûte cher. Faut changer les chaussures à la rentrée. Voilà. T'as raison. Mais c'est pour dire, là, il reste tellement pertinent. Il n'y a pas. Alors oui, Sophie l'évoquait tout à l'heure, quand on entend un peu les chansons des années 90, on voit qu'il y a un vieux synthé un peu sale qui traîne. Mais autrement, ça n'a absolument pas vieilli. D'ailleurs, il n'a jamais fait des chansons à la mode. C'est jamais à la mode. Ben, c'est comme ses sapes, en fait. Il n'est jamais à la mode, donc il est intemporel. Et justement, j'ai un ami qui est vraiment mes fans depuis de nombreuses années d'Elton John et qui me disait, il a malheureusement pas pu être avec nous aujourd'hui, mais il me disait, ce qui est fou, c'est que j'écoute Elton John depuis que je suis adolescent. Il a une quarantaine d'années aujourd'hui. Mais vraiment, pour moi, c'est l'artiste ultime, la rockstar ultime, mais je n'ai jamais pu mettre un poster de lui sur un de mes murs ou ce genre de choses, parce qu'en fait, Elton John, c'est une rockstar, mais qui est dispensée de ça, en fait. C'est vrai qu'il n'y a pas de culte de la personnalité. C'est vrai, mais... C'est une icône gay, mais c'est vrai peut-être qu'on ne l'affiche pas sur le mur, et en même temps, il est toujours un peu avec nous, quoi. Peut-être qu'on n'a pas besoin de l'afficher sur le mur. Genre, il est au-dessus de la mêlée. Ouais, je sais pas. Et en même temps, c'est ce que tu disais tout à l'heure, comme il est pas du tout sexualisé, enfin, peut-être qu'on n'a pas envie de l'afficher en poster parce qu'on n'a pas envie de le ken. Mais c'est ça. C'est vrai, les gens qu'on met en poster, c'est des gens avec qui on a envie d'avoir un rapport. Non, mais c'est formidable parce que vraiment, là, entre nos délires sur la cocaïne et maintenant, je pense que je vais recevoir des mails. Enfin, les délires d'Elton John, hein. Nous faisons que rapporter. Attention, nous, on est que rapporter. Staline, ça rime, mais c'est pas du tout le même effet. Déconseillez, ne faites pas cette 4K chez vous. Non, mais il y a quelque chose de très romantique, c'est vrai, chez lui, qui est pourtant, voilà, il a une vie sexuelle très remplie. Hein, pas tant que ça, je crois. Sûr que c'était pas Freddie Mercury, en l'occurrence. Oui, c'est on est d'accord. D'ailleurs, il dit que son manque d'intérêt pour le sexe l'a un peu sauvé du sida, en fait, parce que apparemment, il était plutôt mateur. Oui, pendant les années justement très drogue. Mais lui, il est allé très très loin aussi, hein, je pense que. Au bout d'un moment, on va pas rentrer dans les détails de l'addiction. Je pense qu'on y est allé déjà très très loin. Voilà, de l'addiction, des ravages de l'addiction dans la vie intime. Mais pour terminer, c'est aussi quelqu'un qu'on a vu sur grand écran, dans des films, souvent jouant son propre rôle. Le dernier film en date qui me vient en tête, c'est Kingsman 2. On le voit repris dans des dessins animés. On a l'impression qu'il a créé un personnage d'Elton John qui vit presque sa vie au-delà de lui-même. Ah bah c'est une icône de la pop culture. Il fait partie des icônes de la pop culture. Tout le monde sait qui c'est. Et puis, il a justement ce physique qui est à la fois extrêmement banal et à la fois reconnu de tous grâce à l'apparat qui l'a poussé à son paroxysme. Donc, franchement, on prend les deux en même temps. L'accessibilité est à la fois quelque chose de très très loin. On voit quand même que c'est une star. On voit que le mec, il fly. Donc, évidemment, toutes ces choses-là ensemble font que c'est une immense star. Parce qu'il est quand même proche de nous. À la fois très loin et très proche. Voilà. Il nous appartient à tous. Et il a fait, enfin, le fait qu'il se marie avec David Furnish, qui se marie avec un homme, c'est un des premiers mariés, enfin, d'abord le mariage civil, l'union civile, puis le mariage en Angleterre. Mais ça. Il a été hyper médiatique. Hyper important. Hyper important. Ah, ils étaient trop mignons, tous les deux, franchement. Mais hyper important. Vraiment. Il peut faire changer d'avis. Il fait partie de ces icônes de la pop culture qui peuvent faire changer d'avis une mamie. sur le mariage homosexuel. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que lui, il a vraiment une approche de son côté militant, parce que c'est quand même un militant, un activiste. À sa façon, ouais. C'est un activiste. Mais une approche vraiment qui veut faire des ponts. C'est pas quelqu'un qui dénonce en fait. Et c'est marrant parce que il adore le foot et il avait acheté un club de foot. Oui, et il y avait un slogan de foot qui disait ne vous asseyez pas à côté d'Elton John ou vous finirez par vous faire enculer ou un truc comme ça. Et en fait, il en riait et il disait bon, on l'encaisse. Et en même temps, on leur explique qu'on peut peut-être changer. Il faut quand même dire aussi qu'il s'est opposé à Poutine. Oui, il s'est opposé à Poutine. Et merci, merci beaucoup. Parce qu'on l'aime. Voilà, on l'aime. Merci Émilie Mazoyer, Sophie Rosemont, Antoine Patinet. Merci aussi à Tristan Gratalon à la technique et Alexandre Chenet au mixage. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou parler directement avec moi sur Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. I don't like music. Music's one of the things I hate in my life the most. Like you get on a plane and there's this loud music, but if it's one of my songs, oh, I like it. It's one of mine. France Inter.